fou d'exotisme. C'est fou. 89.1. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. Ce sont les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 6 au 12 octobre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Jean-Philippe Charbonneau qui a mis un pluriel à ce sont les Palmarès. T'as tout à fait raison, c'est vrai. Oui. C'est comme ça qu'on devrait le dire, mais ça sonne drôle, on dirait. Ce sont les Palmarès, c'est fou. Et vous êtes le public adoré. Et nous sommes les animateurs. Exactement. Et on a une mission de 3 heures pour vous, devant nous, à accomplir. On va savoir d'ici la fin si notre numéro 1 anglophone est toujours The Pretty Reckless avec Heaven Knows. Et oui, en francophone, on va voir si encore Jeanne et le cheval avec Invincible. Ouais, on va aussi savoir, on va aussi entendre nos chroniques par Rest in Peace, Un instant classique, C'était fou, ailleurs dans les Palmarès. On a tout ça dans les 3 prochaines heures. Oui, ça se passe ici. Mais on commence avec une nouvelle entrée. Il y en a beaucoup du côté anglophone. Il y en a 5. Plus tard, il y aura The Bar Brothers, Coves, Gosling, Panama Wedding ainsi que Tops. En francophone, il y a Canaille comme nouveauté, mais on commence avec la 20e francophone qui est aussi nouvelle. Oui, donc c'est Mordicus avec la chanson Miroir, miroir, Mathieu. Miroir, miroir. Que d'eux en francophone? C'est pas beaucoup, hein? Je pense une saison... J'entends dire une fois de temps en temps, apparemment, qu'on me dit que c'est une saison un peu faible en termes de musique francophone. Ah, ben écoute. On me dit ça. On me souffle à l'oreille. Donc, on va entendre Mordicus. On va épuiser cet album-là jusqu'à la dernière goutte, je pense, parce que c'est comme leur 4e ou 5e extrait. Ça commence les palmarès. C'est fou tout de suite. 89.1 FM. C'est parti. Allez hop, allez hop. Roncel. Et Gretel, ouais, ouais. J'ouvre les yeux. Je veux du changement. Entrée. Stevie Wonder, je pense. De moi-même. Le piano. C'était top. C'est Way to be Loved. Demain, entrer en 20e place sur l'album Picture You Staring. Et nouvelle entrée, 20e place, c'était Mordicus avec Miroir Miroir. Pas mal bon, ça, cette petite lac-là. Pas mal bon. C'est un groupe canadien en passant, Tops. C'est cool. Hein? C'est très cool. Il nous reste encore d'autres nouvelles c'est entrées. Top. C'est Tops. It's straight to the top. Dans les 19e places. Tiens, c'est si bon que ça. Marie Ledon, hein? Panama Wedding avec Feels Like Summer, une chanson très appropriée en cette journée qui est soit pluvieuse, soit ensoleillée ou ennuagée, dépendant de quand vous nous écoutez. Et voilà, exactement. Et puis en 19e place, nouvelle entrée également, c'est Canaille avec leur extrait Texas. Hi-ha! Woohoo! Encore Ancel, c'est là qu'on aurait dû placer le Ancel de tantôt. Hein. Ouais. Et Gretel, tu sais, le gag aurait comme plus eu de sens. Ou à la première position, si c'est encore le cas, de Jeanne et le cheval. Et Ancel. Voilà! Oh oh! J'étais bien fier et mon baluchon, au chaud de Hunt Pibé. Je buvais ma bière, sa rue maçon, juste avant de décoller. Je me suis rendu des brumes pour aller chercher le barbu qui venait jouer. Je l'ai retrouvé, les yeux vitreux, avec un sourire tatoué. Je m'en viens te chercher, c'est presque l'heure qu'on parte. Punk par le bras, il me dit toi, je suis moi, on va fumer un bat. Je l'ai laissé allé fumer en me disant pauvre Dan. Si tu sens trop la boucane, ben tu passeras pas aux douanes. J'ai continué à me pavaner avec mon baluchon. Je regardais l'heure, c'était presque l'heure, mais il est où notre champion? Je l'ai vu rentrer un peu plus salopé et puis il sentait fort. J'ai dit c'est un départ, il me dit ok, mais après un choc de fort. De scotch, la photo était pas pire. Moi, l'air pressé, lui qui sentait le botch, mais là, fallait partir. J'dis à Waitan, ramasse tes affaires, faut passer les douanes, pis là, t'es vert. Dis, t'as raison, faut pas manquer l'avion, mais avant, j'passe à la maison. J'dis, ok, man, là, je suis pas, faut que je sois responsable. Il me dit, fuck son, s'en joint là-bas, pis il part avec le cab. Ah, oh, ouais, un autre dernier verre, on a pas le temps, mais qu'est-ce que tu veux faire? On est ben en boisson, on dormira dans l'avion. Ah, oh, ouais, pour une dernière fois, un peu croche mais pas peu fier. Je me vante un peu de partir là-bas en finissant les bières. Quand soudain y'a ma gueule qui tombe en plus d'être en retard. Je leur vire le bord, je fais lever tout le monde, mon passeport y est nulle part. J'appelle Dan, je cite mon sac, il me dit je l'ai peut-être avec moi. Mais là faut que je te lève, je vais te péter mon chat, je pensais que j'avais plus mes clés. Je suis reparti vers l'aéroport, plus fier, plus de baluchon. En me disant qu'avec un peu de luck, j'embarquerais dans l'avion. Quand soudain arrive dans tout propre avec son stock pis l'air fier, j'ai tout mon sac, il me dit hey le père, c'est pas à moi de traîner tes affaires. Ouais, un autre dernier verre, on n'a pas le temps, qu'est-ce que tu veux faire? On est ben en boisson, on dormira dans l'avion. Ah ouais, un autre dernier verre, on n'a pas le temps, qu'est-ce que tu veux faire? On est ben en boisson, on dormira dans l'avion. Ah ouais, un autre dernier verre, on n'a pas le temps, mais qu'est-ce que tu veux faire? On est ben en boisson, on dormira dans l'avion. Ah ouais, un autre dernier verre, on n'a pas le temps, mais qu'est-ce que tu veux faire? On est ben en boisson, on dormira dans l'avion. Ah ouais, un autre dernier verre, on n'a pas le temps, mais qu'est-ce que tu veux faire? On est ben en boisson, on dormira dans l'avion. Ah ouais, un autre dernier verre, là j'ai tant plus rien à faire. Là j'ai manqué l'avion. Nouvelle entrée. Page. Panama Wedding et Feels Like Summer, nouvelle entrée en 19e place anglophone. Et nouvelle entrée également en francophone, c'était Canaille avec leur extrait Texas. Hey, c'était festif, c'était estival, c'était ensoleillé, c'était party time, you know? Toutes ces réponses. Party time, love a boy. Et voilà. Et voilà. on va sauter quelques pièces, mais on les dira après parce qu'on préfère rester en mode nouveauté. C'est la portion new shit des Colorés assez fous, la première heure, vous le savez. Donc on mélangera pas personne. Non. Surtout moi, qui est facilement mélangeable. C'est ça. Ben, ça va être mélangeable dans le sens qu'on suivra pas l'ordre habituel, mais on va rester dans les nouveautés anglophones en attendant les positions 16, 17 et 18. Plus tard, il y aura The Bar Brothers ainsi que Coves, mais on va débuter en 18e position anglophone. Oui, avec Gosling et Everest of Gold. Ah, oh, ouais? On va grimper cette chanson-là, toi? Oui. Ah, Harvest. Okay, Harvest. Everest. Moi, c'est, non, c'était proche. Excuse-moi, c'est moi qui ai mal. C'était pas tout à fait ta faute. C'était comme une moisson, dans le fond. Ouais. Une moisson plus d'or. Oui. Ouais, ouais. Hey! Hey! Oh, hey! Compréhension ici. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou. Ouais. Entrée. C'est fou, 89 ans. Nouvelle entrée. Bar Brothers et Half Crazy en position numéro 16 du côté anglophone. Oui, monsieur. Et en 16e, 17e. 17e, Mathieu. C'était Chose Sauvage. Non, pas Cove. Non, Coves. Coves. J'étais tout mêlé. Je m'attendais pas à ça. C'était Coves avec Beatings. Et avançant en 18e place, Gosling et Harvest of Gold. Ça va? Oui, c'est ça. avant le disque, on a sauté pour se remettre dans l'ordre, étant donné qu'on a entendu toutes nos nouveautés. On va dire au revoir à ceux qui nous ont quittés. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est une bonne idée. Ouais, t'as pas ça comment ça va y donner un nom? Je mettrais un 5$ sur Palmeris and Peace. Oh! Just mountains of change. Ça fait 5 piastres, c'est pas cheap. Oui, quand même. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. C'est fou depuis l'édition du 29 septembre au 5 octobre 2014. On a commencé avec Ludovic Calary avec Contre-Courant qui reste avec nous 6 semaines. Mm-hmm. Ensuite, La Féline et Adieu l'enfance qui dit enfin adieu à l'enfance avec 7 semaines. On a continué avec Tinal avec If Only qui reste avec nous un maigre 3 semaines. Si seulement on pouvait dire, c'est If Only. Si seulement on pouvait dire la même chose de Monomètre avec Candle Holder qui s'est tenu comme une chandelle avec 6 semaines. Oui, mais on peut être en sécurité en avion et ne fly Safety avec la chanson Animals qui est restée encore plus maigre 2 semaines. Avion qui vole près du soleil, mais pas vraiment. Bad Sons avec Salt qui a duré 4 semaines. Et oui, on l'a enlevé du paper. Pepper, salt and pepper. On a eu The Apprentice and the Axe Murder avec T42 qui est resté avec nous 6 semaines. J'adorais cette chanson. Ça s'est fait tuer. Oui. Par le meurtrier en série avec une hache. Ou avec une poche de thé empoisonnée. Une poche de thé. Ah, ces poches-là. Hein, ça mène jamais à quelque chose de bien. C'est des poches là-même. Donc, c'était le Black Panther Rest in Peace. On a dit au revoir à 7 pièces depuis la semaine passée pour en accueillir cette nouvelle. Et voilà. Et ouais. On saute maintenant par-dessus des choses. Depuis qu'on a écouté les nouvelles entrées, on a sauté par-dessus quelques affaires précédemment. Donc, en 18e francophone, on n'entendra pas les passagers avec H.T. Tapo qui a descendu de 8 places et qui était là depuis 8 semaines. Oui, on n'entendra pas non plus à stable en 17e position Chose Sauvage avec l'épave trouée. Mm-hmm. Donc, on va entendre les positions 16 et 15. Évidemment, on avait entendu la 16e anglo parce qu'il était nouvelle tantôt. Donc, on va entendre seulement la 15e en anglo. À la fin du bloc, ce sera Rich Aquin avec Want to Believe. Avant ça, en francophone, il y aura Caravan en 15e avec Chien Noir. Mais commençons en 16e franco. Oui, Mathieu, avec les erreurs et la chanson Bonne Fête qui passe de la 20e à la 16e place. Ah ouais? Oui. Ah, y'a-tu du gâteau? Ben, on va voir. Écoutons le gâteau, va. Je l'entends pas à date. Je pense que c'est un forêt noir. ou un Red Velvet. Peut-être. C'était Rich Aquin et la pièce Want to Believe en position numéro 15. Ça descend de 3 places du côté anglophone. Et en 15e position, ça descend d'une place. C'était Caravan et Chien Noir. Et on a entendu également la 16e position, Mathieu, avec Les Erreurs et Bonne Fête. Ah, c'est bien, c'est bien. Ça, c'était plein de bonne musique. Tellement qu'il n'est même pas encore fini en arrière de mon fond. T'entends-tu, le petit... Ça fait partie de la chanson. Et voilà. Uh-huh. Il nous reste pas bien de temps dans cette première heure des Palmarès C'est fou, donc on va y aller très simplement avec le prochain bloc, les 14e places. En anglophone, il y aura Return for Refund avec The Fields qui descend de 6 places. Et qui monte d'une place en 14e position francophone, c'est Pandaléon avec Basse-Cour. On écoute ça. Pardon si je m'abuse, je pars retrouver du silence qui traverse et m'amuse à séduire la cadence. Les spotlights me grugent l'iris. Certaines trouvent le fond du précipice, s'ennuyer du soupir de la gâchette, retrouver le sourire d'une traite, sourire sans mentir. Oh. Le vent venant d'une terre de mille acres fait danser les murs de plâtre. Le vent qui vogue d'un rang à l'autre me rappelle le temps d'une paix sans faute, me rappelle le bonheur sans cause. Yeah. road can be paved. Had enough of asking why. Well, the field grows there and I forget on the prize. With the pinball bands I pushed on. Show your friend that you know how to run. Seize the day and change your life. Run the field and leave all of your fear behind. Love, no faith. Show that's right. Turn for Refund et The Fields en position numéro 14 qui descend de la 8e place. Et qui monte d'une place, toujours en 14e position francophone, c'était Pandaléon avec Basse-Cour. C'est la fin de la portion New Shit. Et on saute par-dessus les 13, 12 et 11. En anglophone, on saute Dead From Above 1979 avec Government Trash. En 12e, The Stripes avec Mystery Man. Et en 11e, c'est The New Pornographers avec Grill Bruisers. Et côté francophone, on a sauté par-dessus Mister Valère, fille de Karim Ouellet avec L'amour est un monstre. On a sauté par-dessus Brigitte avec À bouche, que veux-tu? Et on a sauté la toune de Rouge Pompier avec Vert de terre. En écoutant un petit peu la chanson de Brigitte, ça me surprend qu'on saute par-dessus elle. D'habitude, c'est plus elle qui a de sauter par-dessus tout le monde. Hein? Ah, bri-bri! Tellement sexy, bri-bri. Oui, bri-bri! jeu de mots de fromage, mettons. Et mental, ta joke. Wow! Hey, en fait, j'aurais dû attendre que t'en fasses une. Ouais, ben non, mais à date, on se bat un petit peu, tu sais, on essaie de se compétitionner un peu comme genre, ah wow, cette blague-là était imbattable comme brie, comme le fromage brie. Oui. Fait que, ouais, un à un, on va rester là, on va essayer de pas tout le temps, tu sais. Non, on se battra encore tantôt, on va en faire le meilleur encore tantôt. Deuxième art, portion top 10 dans quelques instants. Génial, et d'autres blagues? Je resterai pas pour ça, moi, en tout cas. Oh! Changement. C'est fou. 89.1. Retour sur la deuxième heure des Palmarès C'est fou, la portion top 10 pour la semaine du 6 au 12 octobre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Oui, et dans cette deuxième heure, on va entendre les positions 10 à 6, probablement plus 10 à 7 si la tradition se poursuit. Dans cette heure aussi, on aura la chronique C'était fou, oui, tout à l'heure, en fin de deuxième heure, ainsi que, dans les prochaines minutes, un instant classique. Oui, monsieur. Pas un instant où on écoute une symphonie. Non, mais une symphonie de choses drôles. Oh oui, avec toute notre orchestre. Oui, qui s'est passé à Assemblage Requis le matin. Voilà. Et voilà, c'est tout à l'heure, après les deux premiers blocs. On va commencer avec les 10e places. En anglophone, de Devin Cuddy Band et 44 qui descendent de la 2e place. Et Mathieu, j'ai le regret de te dire que notre ancien numéro 1 est rendu en 10e place. C'est Eugène et le cheval avec la chanson Invincible. Mon cheval est mort. C'est fait. Les palmarès, c'est fou. Et nos condoléances à Eugène et son dada. I've seen your face hanging around my door. I know you, stranger, I don't wanna see you no more. You better run to the prairies, you better run, run, run. Before I get my 44 caliber gun. Before I get my 44 caliber gun. Hey little darling, was he better than me? Hey little darling, you'll see how dead he can be. He better run to the mountains, he better run, run, run. Before I get my 44 caliber gun. Before I get my 44 caliber gun. Did he treat you well, oh, did he treat you kind? For this darling, oh, I'm sure I'll do some time. Oh, you better tell him, baby, gas all up his car. You better tell him, oh, he better drive far. He better drive to the ocean, he better run, run, run. Before I get my 44 caliber gun. Before I get my 44 caliber gun. Sometime, oh, you better tell him, oh, the gas on up his car. You better tell him, oh, he better drive far. He better run to the ocean. He better run, run, run. Before I get my 44 caliber gun. Before I get my 44 caliber gun. Before I get my 44 caliber gun. Pew, c'était le Devin Cuddy Burn. En 10e place anglophone avec 44 qui descend de la 2e place, donc de 8. Et notre ancien numéro 1, Mathieu, c'était Eugène Le Cheval, Invincible, qui passe de la 1e à la 10e position. Invincible. Prochain bloc qui contient entre autres Hôtel Morphée avec Hôtel. On parlait justement en ronde du fait que tu vas séjourner dans un hôtel. Tu cherchais l'Internet? Oui. Est-ce qu'il y a un accès à Internet? Non, il n'y a pas de prise. Il n'y a pas de prise! Mais est-ce qu'il a d'Internet? En fait, là, non, maudit, la blague, elle marche pas. Non, c'est ça, mais si tu veux, tu peux aller au kiosque à la réception. Ouais. Pour demander l'Internet sans fil. Ah, mais tant mieux s'il n'y a pas la tente. C'est direct, c'est un accès direct. C'était mieux comme ça, ouais. Le début, t'as raté ton. Ouais, c'est pas grave. Sans fil. Ça te rend attachant. C'est drôle, merci. prochain numéro 9, anglophone Brunch Show avec Class Historian qui monte de la 20e. Et on l'a dit tout à l'heure, Hôtel Morphée avec la chanson Hôtel qui passe de la 4e à la 9e place. Sans fil. Sans fil. Tout au palmarès, c'est fou. Heureusement que je m'appelle pas Philippe. Une chance. Si Dieu tombe, un bel cheveu blanc décoiffé, même si ta marque est de rester, nos regards te seront familiers. On se laissera. Transaction. Debbie Tubbs featuring Mr. Valère avec Up en position numéro 9 anglophone. Et en position numéro 9 francophone, c'était Hôtel Murphy avec la chanson Hôtel. Mm-hmm. Plus tard, il y aura Bernary et Broncho, mais avant ça, Jean-Philippe Charbonneau. Oui, Mathieu Plante. T'es le seul qui n'anime pas Assemblage requis dans la pièce. Voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 29 septembre 2014. Quelle journée grise et maussade! Mais non, je nous ai fait un beau petit décor automnal. J'ai rentré des feuilles, des rames. Je sais que t'aimes ça, les rames. Oui, j'adore fait les que, rames. J'ai... Ben, je dis « des », il y en a une. Ben, c'est ça. Que j'ai mis là, là dans la lampe. Puis devant nous, dans notre champ de vision. Je me suis toujours demandé comment ça fait quand tu lèches une feuille d'érable, ça goûte pas l'érable. Hein? Parce que c'est la sève ah, qui ben goûte l'érable. Il me semble que c'est une opportunité ratée, ça. Ben oui, écoute, non, mais c'est parce qu'il n'y aurait plus de feuilles dans les arbres. Non, je serais tout le temps dehors, je n'allumerais plus l'émission. Mais temps. Étonnamment, tu ferais de l'exercice, tu grimperais dans les arbres. Ça, il fait beau, puis du jour au lendemain, il fait automne. Ben c'est ça, c'était l'été des Indiens, mais heureusement, sans Julie Snyder. Ah, malheureusement. In my mind, at least, P.S. I love you. P.S. I love you. Gros câlin, gros bisou. Ah, c'est bon! Au retour, son foutu palmarès, entre autres. Et plus encore. Hey. À Assemblage requis. Sur C'est fou. Hey. 89.1. Yeah. FM. Cool. Tu as réussi, tu en avais un pour chaque affaire. C'est trois personnes, une fille, deux garçons, une fille à la basse. Ça, c'est cool, sexy, ben oui, ça. Mais ça, c'est sexy. Une fille basse. C'est comme et... la mère dans Un Mickey Mother. Oui, oui, c'est vrai. C'est spoiler! Vrai. Non, ajoute de la baisse, ça vient de gâcher la série. Oh. On se quitte avec une chanson de Propofol. Commando. À demain, Steph. T'es-tu commando? Pas en ce moment. Alexandra, tu commandes? Oh no! Oh no, au contraire! J'ai trois pas de bobette. On est donc heureux tous les matins de la semaine comme ça. C'est terrible. Surtout quand mon cadran sonne, puis là, je me lève, je suis comme tabarouette. Je fonce dans la vie. Un hein? Grand coup d'amour, hein? Ouais. Les trois petits coups sur le plafond de ta chambre. Frappe dans tes mains, pas sur le voisin, hein? Je pense qu'on est mélangé des chances. En Allemagne, à une période où le pays subissait d'importantes pénuries. Donc, on avait le qualificatif Schwarz, qui est noir. Hey, là, je... Ah, puis là, il y a Nigger dans Schwarzenegger. Là, c'est raciste, là. Ah, oh, ben, Stéphanie! C'est ce qui va nous amener à manger ou boire quelque chose, comme on le fait depuis longtemps avec notre chronique Malbouffe. Et voici son nouveau concept. Une grosse pointe tendresse. Eh boy! J'espère qu'on mange la pizza, ça m'a donné le goût. Non, mais justement, l'idée derrière ça, c'est qu'on va tout le temps se manger une grosse pointe tendresse de quelque chose, mais qui n'a jamais vraiment rapport avec la pizza. Ah, d'accord. Fait que ma chronique, là, c'est une chronique de bas de classe. Okay. Okay, bon. Tenez-vous-le pour ça. Ça m'étonne que tu n'as pas allumé une grosse cigarette. Ouais. Ou une grosse saucisse fumée. T'as allumé une saucisse? Ouais. Je sais pas. Tu sais, du jerky. Écoute, tu fumes tes saucisses. Comme bon te sens. C'est ça, juge-moi pas. Mercredi 1er Rocktober 2014, je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Enfin, le mois du rock qui commence. C'est mon mois préféré. Ben oui, Steph. Parce qu'en plus, c'est ma fête dans pas long. Je vous écœurerai pour les 13 prochains jours avec ça que ma fête s'en vient. Et les autres suivants du mois du rock, que c'était ma fête il y avait quelque temps. OK, OK, parfait. De façon rétroactive et proactive et... suractive. Radioactive. Bears of Legend, qui a déjà dit durant un spectacle auquel j'ai assisté, voici la chanson, la seule que j'ai composée en français, c'est pour ma maman, et c'est la seule que je composerai en français de toute ma carrière. Quoi? Pourquoi? C'est la seule que jamais je n'écrirai en français. C'est une chanson que j'ai écrite pour maman, et je la dédie à Énergie qui va la jouer pour les quotas. Oh, excuse-moi, c'était une pin involontaire. Oups. Ouais. Yeah, je vous aime, GME étudiant. Yeah! Groupe GME. Ouais. Groupe GME, ça ferait comme groupe de médias étudiants. Groupe. On va s'appeler le groupe. Pas pire, ça? Pourquoi pas? Groupe. Avez-vous déjà vu le show Truman? Oui, ben oui, le Truman Show. Avez-vous déjà eu cette impression-là que vous êtes filmé, que tout tourne autour de vous, que tout coïncide l'université, ou du moins les caméramans du show Truman se sont organisés pour placer cette fois-ci des caméras dans mon bureau, là où j'écris mes articles? Moi, j'appellerais ça le TR Woman Show pour toi. Oh! Le TR Woman Show. Ouais? Ouais, c'est bon. C'est bon, ça. Okay. Je prends des notes. Je prends des notes. Peut-être trop brillant. Non, mais j'ai vu, il y avait des dépliants pour aller faire de l'observation d'ours. Mm-hmm. Tu sais, des dépliants ben cheap. Mm-hmm. Mais à la fin, il y avait un petit slogan. C'était « Viens faire ton tour, t'es apostrophe, au URS! » C'est parfait! J'ai pensé à toi, tu sais. Puis, cette histoire-là, où est-ce que c'est? C'est où? Ça m'a juste popé en tête. Puis, je me suis dit, hein, c'est drôle. Et là, je fais, chérie, sais-tu ce que dit une fourmi à son amie fourmi lorsqu'elles sont en randonnée en forêt? Non. Hey, wait for me! Oh, c'est cute, ça. C'est trop cute, en fait. Ça m'a pogné de même dans le bois. C'est vraiment joli. Stéphanie Paradis, t'as gagué dans place là, cette semaine. Oui, t'as gagué dans place. T'as oui. Fait des gags. C'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 29 septembre 2014. Toujours avec une semaine de délai, hein, parce que la semaine en cours n'est pas... Elle n'est pas finie son cours. Elle a pris sa pause puis elle a fait l'école buissonnière le reste du cours. Là, uh-huh. En tout cas. Écoutez-nous donc du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30 juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Oui, c'est ça. Toute l'expérience. L'essayer, c'est l'adopter. Vous ne pourrez plus vous arrêter. C'est ça. Tout au long de l'année. Apprécié par les mères, aimé par les enfants. Oui. Et partie de déjeuner complet, etc., etc. Donc, assemblagerequis.com pour les balades de diffusion et pour les montages Un Instant Classique. On fait Un Instant Classique à la moitié de l'émission environ au Palmarès C'est Fou chaque semaine. Voilà. On retourne à nos palmarès. On était rendu, si je me souviens bien, au position numéro 8. Exactement, Mathieu. Du côté anglophone, c'est Broncho avec Class Historian qui monte de 12 places. Et qui passe de la 5e à la 8e place francophone, c'est Bernary avec Sagar. Ah, ben voilà, toi. Allez. Voilà. Bernary, Sagar, du coup. Sagar. Il faut pas, baisser Sagar. Sagar, ouais. Prendre regard et. Ouais. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Au palmarès. fou de découverte. C'est fou, 89 ans. 7. Brown Show et Class Historian qui monte de la 20e à la 8e. C'était une nouvelle entrée la semaine passée. C'était très bon, ça. Mais j'ai adoré ça. C'est mais... rare qu'on entend des d'habitude, c'est des papa-la-papa, c'est des boup boup boup boup. Mais là, des c'est rare. C'est plus rare. Et 8e position francophone qui était en 5e, c'était Bernary avec Sagar. Oui, Sagar. Il y a pas une chanson comme ça. Ben oui, il a raté sa chance. Mais là, il y a du goût. Parce que là, ça n'aurait pas de sens. Voilà. Donc, opportunité ratée pour lui. Position numéro 7 du côté anglophone, c'est Valerie Gore avec Amsterdam qui monte de la 18e à la 7e. T'as-tu vu comment j'ai ri? J'ai dû rire comme saccadé, genre? Oui, c'est ça, exactement. Et voilà. Okay. Tout ça pour me déconcentrer, que pour dire que la 7e place francophone qui était en 3e, c'est Carl-Éric Cudon avec Que Dieu bénisse les marathoniennes. Eh ben, Cudon. Oui, pour leurs cuisses. On n'y va pas à Cudon en vélo. T'sais, mettons les cuisses, pas à vélo, puis en marche, les marathoniens. Ils vont pas à Cudon. Arcudon. Ah là là. Il semble qu'elle mérite plus que ça. Je trouve qu'elle est bonne. Ha ha! Voilà. Je fais Bernary. Tu bénisses les marathoniennes. Qu'il est préserve tes grandes averses. Puisse le soleil leur brûler la peau, l'endurcir pour les temps qui viennent. L'avenir attend sur l'horizon qu'on lui donne une nouvelle adresse. Puisses-tu caresser leurs talons, qu'ils protègent les marathoniennes. Que tu bénisses les marathoniennes. Leurs jambes comme des tremblements de terre. Puis chaque secousse les délivrer d'un poids trop lourd, d'une bien longue peine. La terre est fertile sous l'asphalte, les racines poussent persévères. Si tu peux t'effacer le mal qui l'en délivre les marins. Ah, j'adore cette pièce de Valerie Gore, Amsterdam, position numéro 7, anglophone, ça monte de la 18e place. Et Carl-Éric Hudon en 7e place également, que Dieu bénisse les marathoniennes qui étaient en 3e place. Mm-hmm. Il nous reste encore les 6e positions, mais avant les 6e, on va retourner dans le passé parce que dans le temps, là, c'était fou! Wow! Et cette fois-ci, on recule à la semaine du 8 octobre 2012. Mmh. Mmh. Ah. Down in the school. I barely fell to their knees. But it can't be 93, sadly, cause I wish it could forever. You call it luck, I call it tragedy. What would you say if I fell apart? Could you bring me back there? What would you say if I fell apart? Could you bring me back? We got a lot, DJ, we got a total fucking alcoholic. We got a thing they call a cyber girl. A warm ovation, please, for the dude who sold his ecstasy. He's building homes now in the new third world. Falling in Hawaii and our stations west. Find someone close and hold them like you can. This is a race to the end, and I don't intend to win it, baby. You go ahead, I'm gonna meet you there. That was way back when everyone was scared. Now that we're deep inside the wires, there's a place to hide. You can do things they would have never dared. Practice is a perfect, but the market cuts a loss. I remind myself that times could be much worse. My wife won't ask me questions, there's not so much to ask, and she'll never flaunt around an empty purse. Once my mind was locking just to stay a couple nights, and decided she would stay the rest of her life. I watch my little children play some board game in the kitchen, and I sit and pray they never feel my strife. But then my partner called to say the pension funds were gone. He made some bad investments, now the accounts are overdrawn. I took a walk. Tonight I swear I'll come home and we'll make love like we're young. Tomorrow you'll cook dinner for the neighbors and the kids. We can rip apart those socialists and all their damn taxes. But see, I am no criminal, I'm down on both bad knees. I'm just too much a coward to admit when I'm in need. C'était le bloc C'était fou pour la semaine du 8 au 14 octobre 2012. On a commencé avec le numéro 1 francophone, Chinatown avec Vivre les pieds nus sur l'album Comment j'ai explosé. Ensuite, en numéro 1 anglophone, Stars avec The Theory of Relativity sur l'album The North. Et finalement, une pièce que j'ai choisie, Passion Pit avec Take a Walk sur l'album Gossamer. Ailleurs, dans cette même semaine du 8 au 14 octobre 2012, qui est quand même semi-récente, je vous dirais, comme semaine, on avait aussi Peter, Keith Kuna, Tremblay, Bernard Alamus, Trio, Madame Moustache, Bio Bazar, Danny Janvier, Danny Placard, qui est encore sur le palmarès aujourd'hui, Dumas, Louis-Jean Cormier, Galaxy, Ariel Moffat, Lisa Leblanc, il y avait vraiment des noms, Fanny Bloom. Fanny Bloom, Amélie. Incroyable! Panda Léon. Incroyable! En anglophone, on avait Mother Mother, entre autres Jack White, PS I Love You, toutes des affaires qui sont encore là ou qui viennent de quitter, tu sais. Sinon, il y avait Band of Skulls, Metric, The Darkness, Passion Pit, Gaslight Anthem, Patrick Watson. Wow! Oui! Excellente semaine pour la semaine oui, du 8 au 14 octobre 2012. Et en passant à Take a Walk là, de Passion Pit qu'on a entendu, ça fait penser au fait que pendant le petit bloc, tu sais, t'es allé prendre une petite marche pour aller à ton bureau, regarder tes courriels un peu, oui. Mais aussi. Tu voulais aller aux toilettes, mais t'as pas pu y aller. J'ai pas pu y aller. Il aurait fallu que t'ailles aux toilettes en premier et ensuite à ton bureau parce que c'est comme un investissement. Un investissement. Pour ta toilette, ta vessie, un investissement. Oui! Investissement. Oui, Mathieu, c'est ça. Ouais. Il nous reste à peine de place pour une des deux positions numéro 6, donc on n'entendra pas Mozart Sister avec Enjoy qui monte de la 15e place. On va entendre le numéro 6 francophone. Oui, c'est Danny Placard avec aussi qui monte de la 14e place. Ouais. C'est un investissement aussi. Aussi. Vite, sinon j'ai été obligé de faire dans le placard. On gagne! Punch, sans arrêt! Je travaillais une bande de courir l'autre bord du chemin, voir si c'est mieux. C'est moins tough que ça d'être heureux. On est dû pour se forcer en deux. C'était Danny Placard et aussi qui monte de la 14e à la 6e. On saute par-dessus. 8 places. 8 places. J'avais compté. Je n'étais comme pas qu'on passe à côté. Pauvre petit, t'avais compté ton affaire. On saute par-dessus numéro 6 anglophone. Ah oui, tout à fait, Mathieu. On saute devant. On saute Mozart Sister avec Enjoy. On saute sa sœur. Oui. La sœur de Mozart. C'est la fin de la portion top 10. Il nous reste la portion top 5 de l'émission. La troisième heure, on va se retrouver avec, d'ici la fin, notre connaissance ultime. Notre apprentissage sera est-ce que le numéro 1 anglophone est toujours de Pretty Reckless? Oui, parce qu'on a appris que c'était pas Eugène et le cheval. Ben non. En francophone. Ben non. C'est dans 2 minutes. Au retour. Troisièmement. Pas mal, c'est fou. Yo. Yo. Fou de diversité. C'est fou, 89.1. Je pense à ça, fou de sujets divers, tu sais, fou de diversité. On dirait que ça nous amène un slogan, on dirait. Oui, ben ça nous a amené un slogan. Parce que qu'est-ce qu'on dirait en été, mettons? Qu'est-ce qu'on dirait en été? Parce que, mettons, c'est bon, divertissant, c'est le slogan d'une certaine île à Trois-Rivières qui porte le slogan l'hiver de une île divertissante, t'sais. Oui, mais on a une proposition pour l'été. Vas-y donc, hein? On s'est dit que... Attends, comment j'ai sorti? Idéal pour d'été. D'été! idéal pour dater. Idéal pour dater. C'est que là, c'est l'affiche de Tinder, tu sais, swipe right, you know. Oui, c'est you ça. Know, mean. C'est très bon. Oui, fait que tu sais, c'est à la plage, en maillot de bain, puis c'est idéal pour dater. Je peux même pas battre ça. T'sais. Non, je peux même pas battre ça. On retourne avec notre top 5 maintenant des paroles assez fous pour cette semaine du 6 au 12 octobre 2014. En anglophone, le numéro 5, c'est The Last International avec Life, Liberty and the Pursuit of Indian Blood. Et qui monte de la 12e position en 5e francophone, c'est Oli Laroche avec Rupture. Oh oui! Ça va être Breaking News, you know, Rupture, c'est cassant. C'est de la musique qui fesse dans le dash, comme une garnotte que tu irais après ça chez chose, comment il s'appelle? C'est ceux qui réparent les vitres. Ben, n'importe quel réparateur de vitres. On n'en priorise pas plus qu'un. Le meilleur ou le plus beau, le beau. Oui. C'est excellent. Je peux t'en faire ma blague d'investissement, si tu veux. Oui, tantôt. Et t'as bon? Quand j'étais petit, tout le monde prenait pour les Nordiques. J'ai jamais eu de chat. Je suis bête. C'est pas une bonne chanson. Ici. No! a revolution. We'll grow tight around our children's necks, like nooses that are used to keep the slaves in check, in chains. And decades later, we still can't figure out why. The Last International et Life, Liberty and the Pursuit of Indian Blood en position numéro 5 anglophone. Et qui passe de la 12e à la 5e en francophone, c'est Oli Laroche avec Rupture. Ben ouais. Tantôt, on va faire ailleurs les palmarès, on va un petit peu visiter les autres palmarès de C'est fou. D'accord. Ça va être très bon. Ça, tantôt, mais pas tout de suite, là. Une chose à la fois. Là, hein? On mettra pas. On ira pas. On va aller vers l'avant, pas Arlon. Moi, tu le savais, je voulais faire cette blague-là d'Arlon, c'est le nom de la chanson de Salomé Leclerc. Exactement. T'arrêtes pas de me teaser, Mathieu, avec ton ailleurs dans le palmarès. Mais que ceux qui font des mauvaises blagues me lancent qui n'ont pas fait de mauvaises blagues me lancent la première pierre, comme on lancerait un éléphant, Elephant Stone, hein? Motherless Child, c'est un autre jeu de mots. Love's Not for War, pour son numéro 4 anglophone. Et oui, qui était en 11e la semaine passée, c'est Salomé Leclerc avec Arion. Hein? Ouais, ouais, Mathieu, tu l'avais dit. Mais je sais pas. Tu cours, je cours aussi. Comme si des loups pointaient nos vies. Tu tombes, je tombe aussi. Comme si des pièges sous le tapis guettaient nos corps affaiblis. Les arbres parfois se penchent. Il y a toujours une éclaircie du haut des toits. Comme 4. Elephant Stone avec la pièce Motherless Child, Love's Not For War en position numéro 4 anglophone. Et en francophone, c'était Salomé Leclerc avec Arion qui était en 11e la semaine passée. Encore un petit peu de temps avant de faire ailleurs dans les palmarès. Je pense que on fera ça tantôt, hein, une chose à la fois. Là. Ben oui, chaque chose en son temps. Soyons loose. Voilà, on est déjà rentré dans le top 3 de nos palmarès. Ça va vite tout ça. Ça va bien? Oui, ça va bien. C'est un peu, on suit un système un peu, tu sais, comme les déchets sortent tout le temps. Tu sais, on les met à le même moment, tu sais, sur le bord du chemin. On les change, on change les sacs tout le temps au même moment. Tu sais. Oui, Mathieu. Un peu comme la poubelle qui est devant notre studio depuis quelques temps parce qu'ils ont peinturé l'autre mur en avant. Tu sais. Oui. Genre. Et là, on l'a redéplacé. Tu sais. Là, c'est fait. C'est fait. Puis là, la poubelle était comme, ah, oh, wow, c'est la poubelle, la poubelle journée de ma vie. Je te disais, la poubelle journée de ma vie. Sauf que ce que Mathieu dit pas, c'est que juste avant, il en a fait une bien plus trash. Ah, oh, wow, c'est bon. Ah, puis là, tu sais, elle se demandait, est-ce que je devrais changer de mur, la poubelle? Est-ce que j'ai une vie d'ange ou une vie de démon? Genre, est-ce que je choisis le côté obscur du côté du studio de C'est Fou ou l'autre bord? Tu sais, moi, c'est ça? Ah, vie d'ange. Vie d'ange, ah, mais là, ces gags-là, c'est en train de déchénérer. Ils sont dans le pavillon des rêves au chemin, ça. Oui. Déchénérer. Il avait l'air pratiqué, les blagues, hein. Ben pas du tout. Non, on dirait que c'est spontané. Hein? Spontané. C'est des blagues de l'année même, spontané. Blagues de l'année. Aïe, aïe, hein. Ah, ouais. Je suis épuisé. Moi aussi. Je pense qu'on devrait retourner en musique. Oui. On entend les positions numéro 3. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, c'est quoi qui va être en francophone, Mathieu? Très fin, très bon. Ça va être Propofol, qui était en deuxième position la semaine passée avec la chanson Commando, Mathieu. OK, puis en anglophone, là, je te gage, là, si je te vois venir, que ça va être Pièce à la vue avec In My Mind at Least. Exactement. C'était en cinquième position, ça, la semaine passée. Ça monte de deux places. Ça va être écœurant, ça. Ouais, ouais. Toto Palmar, c'est fou. Et oui. Malheureusement pas vous. Bye. Yes, I love you, avec In My Mind at least. Ça monte de deux places en troisième anglo. Et qui descend d'une place, c'est Propofol avec Commando, oui. Commando, oui. J'ai comme monté de ma une place. Commando volant. Commando volant. Wow! Avant de passer aux deuxième places, Philippe Braque et The Pretty Reckless, allons voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. 5, 6, 7, 8. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès. Tu as t'as comme enlevé les syllabes, c'était trendy. Ouais. Mmh. Oh. Wow! Ailleurs dans les palmarès, c'est la section où on regarde ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone, c'est aussi un top 30 des albums, un top 3 disques canadiens, un top 10 loud et un top 5 musique du monde. Je vais commencer par les nouvelles entrées dans le top 30 des albums. En 20e place, Tops avec l'album Picture You Staring. En 19e, Panama Wedding avec Parallel Play. En 18e, Gosling avec Harvest of Gold. Et finalement, en 17e, Coves avec Soft Friday. Et dans le top 3, toujours des top 30 d'albums, hein, ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais c'est PS I Love You For Those Who Stay. On a Pretty Reckless en deuxième avec Going To Hell, l'album. Et on finit avec Orange O'Clock avec l'album Crazy Carnival. Mm-hmm, dans le top 3 des disques canadiens maintenant. Oui, Mathieu, donc en troisième place qui fait un bond de 10, c'est quand même impressionnant. Elephant Stones avec The Three Poison, pardon. Et en deuxième place, c'est PS I Love You avec l'album For Those Who Stay. Et on finit avec la première place, Orange O'Clock, Crazy Carnival. Mm-hmm. Dans le top 10 loud, tu t'es donné vraiment les trois affaires en premier. Dans le top 10 loud, il y a une nouvelle entrée, JP. Oui! Bon, écoute, c'est pas grave, hein, non, ça va bien. On a Electric Wizard avec l'album Time to Die. Mm-hmm. En troisième place, toujours du top 10 loud, c'est Stable Ace Frehley avec Space Invader. En deuxième, c'est l'ancien numéro 1, Blues Pills, avec Blues Pills, l'album. En première place, finalement, ça monte de une, c'est Blood God avec l'album Blood Is My Trademark. Une seule nouvelle entrée dans le top 5 musique du monde, c'est Meva de l'artiste. En passant, c'est des chansons dans le top 5 musique du monde. Donc, la chanson Meva par Voodoo Game. Et oui, et en quatrième position, Mathieu, on a l'artiste Simri avec la chanson Révolution. En troisième place, on a Tuzana, l'artiste avec la chanson Fanny. On a comme artiste en deuxième position Jardine, feat Lido Pimenta avec la chanson avec l'artiste c'est Chancha Via Curquito. J'espère que c'est bien prononcé. Je fais mon possible. On ne peut que s'imaginer. Et c'est stable en première position avec les Shibani, donc l'artiste Zebda. Voilà, ça c'est ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Je vous ai choisi une petite chanson pour accompagner le tout d'un groupe qu'on n'a pas encore entendu, en fait, qui est dans le top 30 des albums. Un jour, il va peut-être se rendre dans le top 20. Mm-hmm. C'est Imogen Heap. Ça, c'est le nom de l'artiste. L'album s'appelle Sparks. Et on va entendre l'extrait qui ressort le plus de cet album-là, selon Wikipédia. Voici Miscommunications avec Deadmau5 et Imogen Heap au 89 FM, c'est ailleurs dans les palmarès. Day been, no, you first, what? The delay's quite bad, yeah, sorry. Where are you? I can't really hear you, a taxi distracted. Anyway, you were saying, wait, now they're waving me over. Can I call you back? Yeah, everything's fine. Why am I don't know why. I probably just need sleep. It's been a busy week. Sorry, I've got to go. Sorry, okay, bye. This is just so unlike us. Cut back to horizontalisms. If we can win just one small touch. Contact versus telemiscommunications. Sirens pass by, kid screaming, the longest public announcement. Reach chicken, finally got through, running for a flight, shoes off, you're calling voicemail. In joke, group laughter, closing scenes, in a meeting, angel, angel. What didn't you tell me? 1 second, someone needs directions. Can't you see I'm on the phone? This is just so unlike us. Cut back to horizontalisms. If we can win just one small touch, contact versus telemiscommunication. So unlike us. If we could win just one small touch, contact versus telemiscommunication. Did I tell you that I loved you today? Did I tell you that I loved you today? Did I tell you that I loved you today? C'était Imogen Heap featuring Deadmau5 et Telemiscommunications. Smooth, c'est très très calme. C'était un extrait de la section top 30 des albums qu'on écoute un petit peu moins souvent. Je pense qu'on va s'y rendre un petit peu plus. Mais habituellement, c'est que tout ce qu'il y a dans le top 30 des albums finit par être dans le top 20, soit franco ou anglo. Pas mal plus anglo, je vous dirais. Même que je pense qu'il n'y a aucun album franco dans le top 30 des albums, non. Tu vois, je regarde rarement ce qui n'est pas une nouvelle entrée ou dans le top 3. Fait que non, il y a juste de l'anglophone, c'est le but de la chose. Donc on ira le voir une fois de temps en temps et on va aussi visiter. Ah oui, c'est plaisant. Les autres top 10 et top 5 musique du monde. En passant, top 5 musique du monde, je préfère faire la plug quand même pour David Ferron. Les lundis à 18h, c'est l'émission Palmarès du monde. Si vous intéresse d'en écouter un petit peu. Très bonne musique. Ouais. On est rendu au deuxième place. Ça tient du côté anglophone. C'est The Pretty Reckless et Heaven Knows. C'est l'ancien numéro 1. On apprend ça à l'instant. Breaking news. Putain, flash. Mais bon, que voulez-vous, hein? On peut pas tout le temps être au sommet. Hein? Et voilà. Et allons entendre le numéro 2 francophone avant ça. Oui, donc c'est Philippe Braque avec Dans ma tête qui passe de la 9e à la 2e place. Je vous invite, si vous voulez, aller vous rendre sur la page Facebook de C'est fou pour écouter notre ami Danny Janvier qui s'est entretenu avec Philippe Braque. Très bonne entrevue. Puis tant qu'à être sur Facebook, regardez ça aussi, allez sur la page SoundCloud. Oui. Hein, parce qu'il y a toutes les autres entrevues et ça, on retrouve le lien direct sur c'estfou.ca. Et voilà. Voilà. Nos plugs sont faites. Oui. Écoutons de la musique. Maintenant. Écoutons de la musique. Philippe Braque sur C'est fou. C'est pas Palmarès. C'est fou. Dans ma tête, on est une gang à se partager la fête. On est ben dans ma tête. Tout le monde se parle, personne s'écoute, mais est-ce qu'on est ben dans ma tête. Y'a juste une chaise pis y'a pas de musique. Tout le monde se baisse quand j'prends la statique. J'veux pas finir comme mon vieux père dans un os, il a cherché mon air. Pourtant c'est plus facile, j'serai jamais tout seul sur mon île. Entouré par une bande d'avoriens qui aiment ça pleurer pour rien. On est pas dans ma tête. On est une gang à se partager la fête. On est pas dans ma tête. Des fois il peut manquer un boulon. Des fois on fait juste ce qui nous tente. Des fois on est continuellement con sur le double fait de 40. Dingo. On rappelle que ce n'est pas une carte pleine. On joue seulement dans les quatre coins. Seulement les coins. On reste un coin. J'avoue c'est difficile. difficile. J'suis pris dans le piège, j'suis vieux, c'est nul. Encerclé par une bande d'historiens qui aiment ça me rappeler pour rien. Comme une fleur de tournesol. Ben quoi c'est rare que j'encule mon heure ou que je parle le nom de ma boussole. Non, non, non, non, non, dis-y pas, hein, hein. On a tout du fun en gang. Ne mettez-moi pas en tabarnak, j'pourrais retomber sa mauvaise trace. Fou de découverte. C'est fou, 89. Deux. Jimmy's in the back with a pocket of high. If you listen close, you can hear him cry. Oh Lord, heaven knows we belong way down below. Sing it. Oh Lord, heaven knows we belong way down below. Way down below, way down below. Judy's in the front seat picking up trash. Living on the dole, gotta make that cash. Won't be pretty, won't be sweet. She's just sitting sing it out loud. Heaven knows we belong way down below. Go. The Pretty Reckless, c'est Heaven Knows, l'ancien numéro 1, maintenant en deuxième place anglophone. Et qui passe de la 9e à la 2e place francophone, c'était Philippe Braque avec Dans ma tête. Braque, Braque. Fait que, tu sais qu'il nous reste juste les numéros 1? Oui, je sais, Mathieu. Ça me rend tout fébrile. Ouais, sortez les crécelles et les ballons. Mm-hmm. Parce que pour célébrer ce bon gag, hein, c'est. Oui. Et puis en plus, c'est l'automne, les fleurs sont finies. Les fleurs sont finies. Sont finies, oui. Et pan, une blague, pan, c'est le nom de l'album. Pan. Oui. T'as pas une pan dans les dents. Pan dans les dents. Ça, c'était les jeux de mots pour le côté francophone. Du côté anglophone, je vous dirais que je sais pas, j'ai comme le vent qui gargouille en ce moment. Là. Oh. C'est là que mes jeux de mots partent. En fait, ils commencent dans mon ventre au lieu du cerveau. Ça passe par le ventre. Puis après ça, je te sors des jeux de mots. Ça passe du belly au bottom. Au bottom. On dirait que c'est comme un gag de poum poum. Je te dirais que je pense que c'est l'heure d'aller me coucher si je fais des mauvais gags comme ça. Il est orange écart. Oui, sur ta Timex. Sur ma Timex. Passer minuit, ça devient orange. Orange, oui. Orange au clock. Oui, la petite lumière en fond qu'il y avait sur les mm-hmm. montres Timex. Ouais, ben tu vois, je pense que je vais te laisser expliquer tout ça. Oui, donc le numéro 1 anglophone, c'est la chanson Belly Button. Button. De Orange au clock. Donc, c'est ça qui passe de la troisième à la première place. Et en première position francophone, qui passe de la sixième, c'est Fanny Bloom avec Sammy. On écoute ça. Numéro 1. Flûte de pan, au palmarès, c'est fou. Voilà. Tu ne cours plus et ton souffle a repris sa cadence. Tes fantômes se sont tus et la paix est revenue claire et franche. Alors la lumière est entrée par le bout. Je vois que les lumières s'éteignent pour te laisser briller, mais je ne comprends pas. Aux amis, après nos élans défendus, j'ai décidé de ce qui ne m'appartenait plus, et j'ai fait ça pour toi. Je vois que les lumières s'éteignent pour te laisser briller, mais je ne comprends pas. aux amis, amis, à prénoms et rangs défendus. J'ai décidé de rendre ce qui ne m'appartenait plus. Et j'ai fait ça pour toi. Première position. Every day, she's trotting her stuff on the streets for money. Rope is tightening up and it's harder to breathe. Reckless, blind and juggling. She's young but begs to be older. She's living high and drunk with rock and roll. Tequila, blankets and packs of Marlboros. Done it all. She ain't got tears to cry. She's exhausted and weak. La deuxième semaine de suite qu'on arrive directement avec les numéros 1 à la fin de l'émission. C'est quand même le fun quand ça donne comme ça. Ah oui, on est tight. On est tight to chime in. Donc, on va faire un petit récapitulatif des top 3 et 2 bars. Donc, en anglophone, en troisième place, c'est PS I Love You avec In My Mind At Least. En deuxième, l'ancien numéro 1 de Pretty Reckless avec Heaven Knows. Et on vient d'entendre le grand numéro 1 anglophone, c'est Orange O'Clock avec Belly Button. Et du côté francophone, top 3, on avait Propofol avec Commando qui est passé de la deuxième à la troisième position. Philippe Braque avec Dans ma tête. De la 9e à la 2e, et notre grand numéro 1 francophone cette semaine, Fanny Bloom avec Sammy Sammy. Yay, bravo! Quand elle Sammy a chanté, bon. Qu'est-ce qu'on a dit tantôt aussi? On a fait une blague, il me semble, avec Fanny Bloom et Sammy Sammy. Ça se peut? Ah, tu vois, justement, on s'est dit, la prochaine fois, si elle est numéro 1 la semaine prochaine, faut qu'on la fasse. Je pense que c'était ça, elle s'est mise à chanter. Elle s'est mise à chanter. C'est parce qu'on sait pas si elle va être encore numéro 1 la semaine prochaine. Fait que là, tu sais. Au moins, la blague est faite. Est faite, là, tu sais. Crochet. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct, les mercredis entre 14h et 17h. Après nous, c'est Palmarès du Monde, suivi d'Audiomatic et des Audacieuses. On repasse les vendredis soirs à 17h. Après nous, c'est Les Bonnets Rouges ainsi que Sky Punk. Et finalement, on repasse le dimanche à midi. Restez sur nos ondes. Et tout le temps? Tout le temps. Cifou.ca, c'est le site de la station avec la programmation complète. Oui. Assemblagerequis.com. Pour les balado-diffusions et les notes de l'émission. Mathieu, je n'ai pas perdu ce skill. Tu as retenu, c'est un street skill. T'es vraiment très doué. À la semaine prochaine, Jean-Philippe. On se quitte avec une pièce qu'on a sautée précédemment dans l'émission. C'est la sixième position anglophone. Oui, donc on va aller écouter Mozart Sister avec Enjoy. Enjoy it. À la semaine prochaine. Bye, Mathieu. Bye.